Chez le médecin. Docteur, j'ai mal à la tête. Je crois que j'ai la grippe. Je tousse, j'éternue, j'ai mal à la gorge. Vous avez de la fièvre? Oui, 39,2. Je vais vous examiner. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Effectivement, je pense que vous avez la grippe. Attendez, je vais prendre votre tension. Bon, 10,6, c'est un peu bas.